Et en ce vendredi saint, ben, je vais vous parler curieusement de Alfred Jarry, qui est le fils d'Anselme Jarry, négociant puis représentant en commerce, et de Caroline Kernest, et qui en 1878 s'est inscrit comme élève dans la division des Minimes du petit lycée de Laval. L'année suivante, bon, sa mère s'est installée à Saint-Brieuc, et c'est donc au lycée de Saint-Brieuc que Jarry poursuit ses études jusqu'en 1888. À partir de 1885, il a composé des comédies en vers, en prose, un petit peu comme il y a eu Les Brigands de la Calabre, Le Parapluie Seringue du docteur Tanaton, Le Procès, Les Antiaclastes, avec une première version en 1886 et une deuxième version en 1888. Ensuite, sa mère s'est installée à Rennes et donc il est rentré en rhétorique au lycée de Rennes en octobre de cette année. Et M. Hébert, professeur de physique, a incarné aux yeux de ses élèves tout le grotesque qui est au monde. Et donc ce qui est devenu, à ce titre, il est devenu le héros d'une littérature scolaire abondante, dont un texte intitulé « Les Polonais ». En classe de première, j'arrive à le mettre en forme de comédie, et puis c'est ça la plus ancienne version du Burois. Ce n'est pas pour cela qu'on va pas vous parler du Père Ubu. Mais on va vous parler d'autre chose, puisque c'est Vendredi Saint, et un coup dans le micro, c'est pas très conseillé, je vais vous parler d'un autre texte qui date du Canard Sauvage, le numéro 4, qui date du 11-17 avril 1903. Ça s'appelle La Passion considérée comme course de côte, qui est tout à fait d'actualité pour ce Vendredi Saint, donc voici ce texte. Barabbas, engagé, déclara forfait. Le starter Pilate, tirant son chronomètre à eau ou clepsydre, ce qui lui mouilla les mains, à moins qu'il n'eût simplement craché dedans, donna le départ. Jésus démarra à toute allure. En ce temps-là, l'usage était, selon le bon rédacteur sportif Saint Matthieu, de flageller au départ les sprinteurs cyclistes, comme font nos cochers à leurs hippomoteurs. Le fouet est à la fois un stimulant et un massage hygiénique. Donc Jésus, très en forme, démarra, mais l'accident de pneu arriva tout de suite. Un semis d'épines cribla tout le pourtour de sa roue avant. On voit de nos jours la ressemblance exacte de cette véritable couronne d'épines aux devantures de fabricants de cycles, comme réclame à des pneus increvables. Celui de Jésus, un single tube de piste ordinaire, ne l'était pas. Les deux larrons qui s'entendaient comme en foire reprirent de l'avance. Il est faux qu'il y ait eu des clous. Les trois figurés dans les images sont le déponte-pneu dit une minute. Mais il convient que nous relations préalablement les pelles et d'abord décrivons en quelque sorte la machine. Le cadre est d'invention relativement récente. C'est en 1890 que l'on vit les premières bicyclettes à cadre. Auparavant, le corps de la machine se composait de deux tubes brasés perpendiculairement l'un sur l'autre. C'est ce qu'on appelait la bicyclette à corps droit ou à croix. Donc Jésus, après l'accident de pneumatique, monta la côte à pied, prenant sur son épaule son cadre ou, si l'on veut, sa croix. Des gravures du temps reproduisent cette scène d'après des photographies. Mais il semble que le sport du cycle, à la suite de l'accident bien connu qui termina si fâcheusement la course de la passion, et que rend d'actualité presque à son anniversaire l'accident similaire du comte Zborowski à la côte de la Turbie, il semble que ce sport fut interdit un certain temps par arrêté préfectoral. Ce qui explique que les journaux illustrés reproduisant la scène célèbre figurèrent des bicyclettes plutôt fantaisistes. Ils confondirent la croix du corps de la machine avec cette autre croix, le guidon droit. Ils représentèrent Jésus les deux mains écartées sur son guidon. Et notons à ce propos que Jésus cyclait couché sur le dos, ce qui avait pour but de diminuer la résistance de l'air. Notons aussi que le cadre ou la croix de la machine, comme certaines jantes actuelles, était en bois. D'aucuns ont insinué à tort que la machine de Jésus était une draisienne, instrument bien invraisemblable dans une course de côte à la montée. D'après les vieux hagiographes cyclophiles Sainte Brigitte, Grégoire de Tours et Irénée, la croix était munie d'un dispositif qu'ils appellent supedaneum. Il n'est point nécessaire d'être grand clerc pour traduire pédale. Juste Lips, Justin, Bossius et Ericius Putaneus décrivent un autre accessoire que l'on retrouve encore, rapporte en 1634 Cornelius Curtius, dans les croix du Japon, une saillie de la croix ou du cadre en bois ou en cuir sur quoi le cycliste se met à cheval, manifestement sa selle. Ces descriptions d'ailleurs ne sont pas plus infidèles que la définition que donnent aujourd'hui les Chinois à la bicyclette, petit mulet que l'on conduit par les oreilles et que l'on fait avancer en le bourrant à coups de pied. Nous abrégerons le récit de la course elle-même raconté tout au long dans des ouvrages spéciaux et exposé par la sculpture et la peinture dans des monuments ad hoc. Dans la côte assez dure du Golgotha, il y a 14 virages. C'est au troisième que Jésus ramasse la première pelle. Sainte Mère, aux tribunes, s'alarma. Le bon entraîneur Simon de Cyrène, de qui la fonction eût été sans l'accident des épines de le tirer et lui couper le vent, porta sa machine. Jésus, quoique ne portant rien, transpira. Il n'est pas certain qu'une spectatrice lui essuya le visage, mais il est exact que la reporteresse Véronique de son Kodak prit un instantané. La seconde pelle eut lieu au septième virage sur du pavé gras. Jésus dérapa pour la troisième fois sur un rail au onzième. Les demi-mondaines d'Israël agitaient leurs mouchoirs au huitième. Le déplorable accident que l'on sait se place au douzième virage. Jésus était à ce moment deadhead avec les deux larrons. On sait aussi qu'il continua la course en aviateur, mais ceci sort de notre sujet. Et donc ceci pour ce texte d'Alfred Jarry, je le rappelle, donc La Passion considérée comme course de côte, qui est paru dans le Canard Sauvage numéro 4, daté du 11 au 17 avril 1903. Alfred Jarry, donc, qui est né le 8 septembre 1873 et mort en 1907. On revient tout de suite à la musique. Et la musique, ben, c'est une mazurka, deux mazurkas, et non, je crois que c'est... si, c'est bien ça, ça s'est pas encore passé, ça. La mazurka de la mère Machin mettait un accent circonflexe sur le A, et une mazurka tout court, qui sont des traditionnels morvans, bon, probablement du 19e siècle, peut-être début 20e, et une valse collectée par Louis et Jules, une autre valse dans le même morceau collectée par Henri Clément, et les deux par Daniel et Eric Rayard, encore une fois. Thank you. Eh bien oui, deux valses par Daniel et Eric Raillard, collectées par Louis Jules et Henri Clément, des traditionnels Morvan, et qui étaient précédées, je suis en train de... Ah, est... ah c'est pour ça, voilà, il est là, qui étaient précédées donc de deux mazurkas, dont la mazurka de la mère Mach. Et on va changer tout de suite, immédiatement, de région... Notre lingua limousine, odin querelu sans vie. De région ou de province plutôt, on se retrouve maintenant au Limousin. Limousin avec donc www.dogmazic.net/musicas_do_lemosin avec notamment Anne-Marie Violo qui interprète deux chansons, L'eau boyère, écrite par Martin Dutreuil, et Flore de Blade Negra, qui est un traditionnel limousin. Et donc ces enregistrements, eux, ne sont plus sous licence domaine public, mais sous licence Creative Commons by NCND 2.0. Et donc on passe aussi de l'instrumental à la musique entièrement vocale. Bouillé d'eau village, qui plossé gurmont francillo, quand mène son attelage, fait si ben à la guillot, que sous grand biau prenne un courage, d'un coup de rein défonce un tour. Quand guide sous brave et biau, l'ove chanta comme l'ouïa. Tra la la la, tra la la l'air, la au fauve tire au chabro. Tra la la la, tra la la l'air, tra la la la, tra la la la. Père commence à son oreillade, veut d'abord tout doucement, à pitico de la guillade, te bedrait la ligne à main. Mano velo, regio dressade, yo faina puron d'amain. Quand te guide sous brave et bien, l'ove chanta comme l'ouria. Tra la la la, tra la la. là au fauvet tire au chabrot. Tra la la la, tra la la la, tra la la la, tra la la la. Quand ce médine bouillado n'ai jamais vu un comme c'est. L'oubiau s'inventait au baissade, à pleine moeté l'appelait. Ma bailleteur, coco fissade, le sang n'en sort à chacové. Quand te guide sous brave et bien, l'ove chanta comme une lourion. Tra la la la, tra la la la, là au fauvet tire au chabrot. Tra la la la, tra la la la, tra la la la, tra la la la. Vers au fond de l'orijade, torne au cul au parmier entra. Pera, aja ou becossade, reine l'impécho dépassa. Y a vu pléja sous une aguillade, maille du nové père trop força. Quand te guide sous brave et bien, l'ove chanta comme une lourion. Tra la la la, tra la la la, là au fauvet tire au chabrot. Tra la la la, tra la la la, tra la la la, tra la la la. Quand yo vigue sous natella, j'ai le premier codarié mejo. Mais souvenez, perdi courage, avio trop fort de la guillot. Aurais qu'est prêt une pomme d'âge, ne craigne pas mon francillou. Quand l'ouvez et d'arrié sous biau, et que chante comme une lourion. Tra la la la, tra la la la, va comme c'est plante au chabrot. Tra la la la, tra la la la, tra la la la, tra la la la. Les regiones bien éveillades, là y'a vu naisse v'imprint. Et par la verre à la veillade, l'ougar souveignant de bien loin. Souillueil semble avant doit été là, que brille le cerf dit la nuée. Fritch comme la fleur nouvelle, n'y a pas si bien au jour des nuées. Quand la nave se parmena, le monde de la guetta vient passa. Quand la posa vous louait sur vous, que vous fâche qu'au carré, mot gratou. La parla avait toujours un risin, père vous faire vers sa bravade. Elle appelle flour des blancs nègres, un mouchieux se mettait de l'océgro, père lui parla d'amour. Et par nympha sa dame, de mon sort il s'est bien content, on n'a pas besoin de votre rente. Ferai avec coquet garçon, valère mon ben assou. Pas content de quelle parole s'est dit, c'est même va au menana. Il te quitte, a dit chiama drôle, belle que tu regretteras. Ma comme l'amour, le rojave, le vécu que torne un beau drôle, taille dit qu'il t'aimave, il t'aime et t'aimerait toujours. De la fille en aille bien connue, ma come te n'ai jamais vu. Tant que guette ton portrait n'endormisse plus de la nuée, comme barre sur l'estomac, et dit mon cœur disait tout bas. Ma petite fleur de blanc nègre, tu seras ma fenouille, espère. T'auras bagarre, collier, chamisa de dentello. Te tirerai de ta charrière, t'auras droit, bel oeil très chambarrière. Serai avec tes mijos, hurou comme un pigeon. La drôle, la tête obéissa, d'écouta avec qui compliment. L'Odyssée, Issa et Décidade, n'aime pas le rail à mon parrain. Un cerf, un rein train de l'étouille, quand tout le monde fut à table. Un copain, un boussi d'andouille, l'Odyssée tout bas à son pas. Depuis longtemps, monsieur Gentou, voudriez bevenir mes joues. Odyssée, comme prendriez que grande noce inférieure. Connais point que chez beau garçon, ma fille vaut 200 prélots. Ma petite fleur de blanc nègre, quand monsieur Gentou va te voir, par le lien risin, chaud douce, chaud aimable, qui est un brave homme, puisque vit riche, et per son monde n'est pas chiche. En diro, madame au Gentou, la fille à Giorgio. Donc, à l'instant, donc, il y a eu Flore de Blade Negra, que vous trouverez sur www.dogmazic.net, Musicas Daou Lemosine, ou bien alors, et puis sinon, pour la chanson de Martin Dutreuil qui a précédé, Le Boyer, ça c'est sur www.dogmazic.net/delage. Et sinon, bah, vous avez tout sur le site http://www.chanson-limousine.net, avec des chansons limousines en occitan. Et donc sur ce site, il y a donc une chanson, une nouvelle, tous les mois, une nouvelle chanson, d'après ce qu'ils disent. Avec donc, là, vous avez par exemple un site, vous avez différents liens aussi vers ces musiques. Donc un lien vers l'école Ventadour. Il y a également une page consacrée à la chabra de sa grand-mère. Les fables de Jean Foucault. Alors tous les mois une nouvelle chanson, ah ben ça c'est un truc en flash, on peut cliquer dessus mais je sais pas ce qui se passe. On peut, il y a également les paroles, il y a les partitions, clips vidéo, bon écoutez, enregistrer, ben ça ramène vers le net label, chanson limousine en occitan, donc sur le site Dogmazic. Et puis bon, une présentation, des contes, des fables, mode d'emploi, des sites amis, etc. Et donc il y a dessus tout ce qu'il faut, et puis y compris cette petite introduction qu'on avait entendue tout à l'heure et dont on ne se lasse pas. Notre lingo limousino d'un cœur le sans vie. Et donc c'était ça qui était parti tout seul tout à l'heure, c'était ce que je préparais. Donc pour de l'âge, je précise qu'il se trouve à Confolens en France. Et ben le dernier morceau, justement, ça va être La Lenga d'Or, ce qu'on vient un petit peu d'entendre, La Lenga d'Or, par Bernard Hennigson, toujours sur la page www.dogmazic.net/delage, La Lenga d'Or, qui est qui a été écrite par André Le Gentil. Et donc Bernard Hennigson qui nous l'interprète, c'est sous licence Creative Commons by NCND 2.0. per divertir la gent. Poème de Jarvier, musique d'André Le Gentil. Le lingot d'or. Notre lingot limousine, rodin que relu sans vie, toujours moucandière, fine, les toujours et nos pays. Depuis le temps que l'interro, un peu d'un qui relou vit, l'on n'est pas mort au d'un quiro, et l'on ne veut pas mûrir. Dis le pays, le troubadour, le rossignol, li chante, dis le pays, le troubadour, le rossignol, li chante toujours. Visa cum lo secaro, lo bon pied mai bon odin, lo pelé non lo vocchiaro e le resta la venin. Su so cui fode d'entero, sa giota son de velour, di su io ai lusire telo, e so buccio che no flur. Di lu pai, lo trovadur, le rossignoli chanto, li chanto, di lu pai, do trovadur, le rossignoli chanto toujours. Ad un aussi gento bargiero, lu galant ne manque un pas, toujours risente e leggero, l'on en trouva chaque pas. A chi che sa ben li plaire, lo se la e so carina. Lo fe libre do terraire, ne se frangaire pregia. Di lo pai, lo trovadur, il rossignoli chanto, li chanto. Di lo pai, lo trovadur, il rossignoli chanto toujours. Come un tant troppo fidelo, i van tener cor d'amour, di lui vargi de lo bello, che jamais ne passo flour. Lo pica per lo farfeto, no roso entre su tetu, li poseran sur lo teto, no curuno de chansu. Di lu pai, lo troubadour, lu rossignoli chanto, li chanto, di lu pai, lo troubadour, lu rossignoli chanto toujours. C'était donc la dernière chanson, la Lenga d'or, par Bernard Hennigson, qui a été composée par André Le Gentil il y a fort longtemps. Et donc, ce que vous trouverez ça sur le net, la belle chanson Limousine en occitan. Sinon, tout à l'heure, on était également passé par le Morvan, et puis un petit détour à bicyclette par Golgotha. Ça, c'était donc pour l'émission d'aujourd'hui. Prochaine émission, j'ai pas encore de date, il faut que je prépare les choses. Donc surveillez un petit peu le planning de la radio sur le site Dogmazic, ou bien regardez si éventuellement quelque chose a été posté sur le forum. Vous trouverez sur le forum de Radio Dogmazic, enfin sur le forum du site Dogmazic, dans le sujet consacré à la radio, la liste complète, la playlist avec tous les détails pour les chansons qui sont passées. À moins que vous ne l'ayez téléchargée par le peer-to-peer, c'est la page qui s'appelle Playlist, ou bien alors également pareil, si vous avez téléchargé ça, cette émission, depuis le site archive.org, vous avez une page qui s'appelle, une page HTML qui s'appelle Playlist, et bien c'est pareil, vous avez tout le détail des chansons avec les licences, les auteurs, compositeurs, etc. Donc n'hésitez pas à la consulter et vous pourrez donc aussi télécharger toutes ces chansons à l'unité. Je vous remercie à tous pour votre attention. Je remercie Jules Kien qui a fait un petit passage éclair sur le chat de la radio. Et puis tous ceux qui étaient à l'écoute avec des pointes jusqu'à 7 auditeurs à la fois. Mais ça c'est le maximum parce que ça n'a pas été en permanence, mais c'est déjà bien. Donc prochaine émission sur le planning. Au revoir, à bientôt, puis bah, à la prochaine émission. Thank you.